Mafia. Andé. Baba bébé, faut savoir s'en occuper. Si mais ratatou, si mais ça. Hey, nous fait péter le cardio. Il suffit que Ouga le tempo. Un, deux, stress, quatre. Sur le mouvement, bec dando. Allez bouffer la masse bougada ou des dans la glace. Le temps il passe, ta casse pas là ton rein, il faut calme. Faut shake it, check it, pam pam. Là il faut shake it, check it, mais blâme pas. Pas de monde. Quel est il est? Venez pas. Quel est il est? Venez pas. Quel est il est? Mafia. Andé. Mafia. Andé. Boum da face, pas faveur Catherine. En deux de la mafia fait pète cabine. Là nous fait pète tout, dis pas what t'en pas. On a force volume en mon rap. Allez, vini, vini, le bas sans jamais fini. Sous dans la honte, tiens la honte, la Capri nous fait la pionte. Hey, j'ai le topo, coco, sous, et puis bois de l'eau. Vous prenez qu'on lui débattre, victime, maille pas avec n'importe quel bombastique. Roulement, roulement, tu madame, roulement. La dia où faut frotte, jamais frotte doucement. Bon, bon, monde. Quel est il est? Venez pas. Quel est il est? Venez pas. Quel est il est? Venez pas. Il arrive les roulements d'ailleurs. Roulement, roulement. Andy.